Le temps devient léger. Quelques gouttes tombent sur le rétroviseur, elles patinent sur le carrosse de la voiture ancienne. J'accélère, les roseaux se plient, la grenouille fait un bond, le temps est lourd, les branches se penchent. Le feu s'éteint, une autre fumée s'évapore de la cheminée. Quelques gouttes d'eau plient sur le rétroviseur, la berline s'est arrêtée dans la nuit. Ces coussins d'air se sont allongés, l'air s'est dissipé. Je chantonne, j'aperçois l'escargot dans la lumière des projecteurs. Le temps devient léger, j'ai un obstacle à franchir. Je fais un pas en arrière pour un pas en avant, comme dans une danse.